L'amitié de Clara pour Albe était, lorsqu'on y réfléchissait, une sorte de nécessité interne au caractère des protagonistes. La faiblesse d'Albe, sa proximité avec Melchior, en faisait la proie idéale des gentillesses dévorantes de la jeune fille, qui donnait en échange une douceur, une sorte de sécurité, qu'Albe avait de plus en plus de mal à trouver dans sa propre fratrie. Tout avait commencé, le lendemain de la crise, par un ordre donné à Clara. Elle s'était éveillée au milieu des dentelles et des rubans de son lit, la mivre de blancheur comme chaque matin. Elle s'était assise à sa coiffeuse, avait souri à son reflet dans le miroir, avait commencé à lisser ses cheveux, puis elle s'était installée devant son ordinateur pour la lecture de ses ordres. « Aujourd'hui, tu iras cueillir un bouquet de fleurs et tu l'apporteras à Albe, au palais. Cette femme est seule et inquiète, tu dois la soutenir et lui offrir ton amitié. En revanche, tu ne chercheras pas particulièrement à voir Melchior. » Car il faut que Albe comprenne que c'est à elle que tu rends visite. » Clara avait pieusement obéi à cet ordre, avec la ferveur qu'elle mettait toujours dans l'acte d'obéir, et Albe avait trouvé, bien sûr, l'attention charmante. Elle se revit ensuite spontanément. Clara se sentait à l'aise auprès d'Albe presque autant qu'auprès de son propre frère, et se laissait aller à lui conter ses rêves d'avenir. Albe l'écoutait avec une gratitude passionnée, et lui parlait à son tour de choses qu'elle n'osait jamais confier à personne. Cette erreur, enfin prise au sérieux, diminuait un peu d'intensité. L'écoute de la jeune fille semblait la délivrer de son terrible isolement. Albe alla mieux presque aussi rapidement qu'elle s'était mise à aller plus mal, et revint au bout de quelques semaines à un état stationnaire. Melchior n'appréciait guère ce rapprochement, mais constata rapidement qu'il n'y pouvait rien. Clara insistait tant pour voir sa sœur qu'il eût été grossier de les conduire. Quant à Albe, il l'avait plongée de ses mains dans une telle détresse que sa conscience, ou du moins ce qui en restait, le suppliait de la laisser s'épanouir un peu au contact de Clara. Ils s'arrangeaient cependant toujours pour rester dans leur parage, ce qui ravissait Clara et qui lui permettait d'avoir au moins un aperçu de leurs échanges. Il fut assez prompt par trois fois pour interrompre leur confidence au moment où Albe allait se mettre à parler de leur mère. Cet état de fait le contraria pendant quelques jours, puis il en profita pour multiplier ses propres visites chez Gauthier. Ce rôle d'ami de la famille commençait à lui peser, d'autant plus que l'hystérie permanente d'Olga, le silence obstiné de Nils et l'enthousiasme de Gauthier le fatiguaient maintenant au-delà de toute expression. Seuls les rougissements furtifs de Clara lui apportaient encore un peu de plaisir, et il s'y raccrochait pour supporter cette fastidieuse infiltration dans l'attente du jour où il pourrait bien mener à bien son investigation dans les secrets de Gauthier.